ma lanterne, car j'ai perdu ma flamme. Mon amour est parti, elle a jeté mon âme, à bouffer au néant, me laissant le cœur vide. Elle a fait des fertiles, des averses larides, et l'horreur du monde n'est rien comparaison à ce que l'amour fait à ceux qui, dans l'union, pensent oublier un peu qu'on est triste ici-bas, et qu'ici, solitude est le dernier repas. Elle avait les yeux noirs, desquels on voit du bleu, qu'on prend pour l'océan, dans lesquels on voit Dieu, qui font toucher du bout des doigts les horizons. Mais toujours à la fin, on est seul au milieu des vagues de sanglots et du sel dans la gorge, et du sel sur la plaie de ce cœur tatoué, à son nom que l'on crie au fond des verres de vin, à se dire que la vie, oui, n'était qu'une putain. Ami, regarde-moi, j'ai le cœur qui renverse, la mémoire de ses yeux qui me colle à la peau. Et dans les bars du port, je cherche magie noire pour délivrer mon corps du sort qu'on m'a jeté. Et le sourire des filles, non, ne me fait plus rien. Et je commence à croire que les hommes qui ont pris d'autres hommes pour amour ont réglé la question. Après tout, dis-moi, qu'est-ce qu'elles ont de plus que nous, si ce n'est cette force qui fait qu'elles vous oublient. Cette horreur au fond d'elle, ou à ce monstre qui crie. Quand elles vous font l'amour, tu sais qu'elles n'oublient pas qu'il n'y a qu'à la nature qu'elles ne tiennent parole. À tous ceux dans leurs bras qui sont faits prisonniers, j'ai l'âme solidaire et puis ma sympathie à ces fous qui, comme moi, finiront pas la nuit. Je vous le dis, putain, putain, vous m'aurez plu. Joli sourire au parfum de leurs fleurs, Marguerite ou Tulipe et de Rosalila. Tu sais, l'ami pour moi, elles ont tout ici-bas. Quand elles vous montrent au ciel, qu'elles vous disent qu'elles vous aiment, elles ont toutes